suis l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en ai pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en ai pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. De retour du passé chargé et chaque nuit est glacée. J'ai assez de multitudes pour les psychés cachés. Dès que tombe le jour, mes canines poussent. Lève le voile, le vrai visage du soldat tu pourras et tu auras voir. Traqué par des religieux voulant m'emmener d'un pieu. Ne ferme jamais les yeux, trop de gueux. Plus d'une heure ou deux mon neveu. Les glaineux haineux me rendent nerveux, je charge père. Rédit l'imposteur de mon entourage. Chaque passage du soldat invoque les esprits du mal. Ma langue lèche tes oreilles chaque fois que tu mets ton walkman sur ton rasga. Écoute ça, tu dis que l'or commercial. Mais gare à toi si je t'attrape, tu finis comme Conchita. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Représente, représente la musique de la rue. Représente, représente les soldats de la rue. Je me braque souvent quand le vent ne souffle pas comme je le sens. Il reste tellement de choses à dire, à écrire, donc à créer. Mais bon, regarde, les gens brûlent de rage. Que des banalités, aucune originalité, des futilités. Ils en ont à plein wagon. Ce qui est du style, plus tu crées, plus t'es mauvais à leurs yeux. Mais comme le dit Ayam, ouais, c'est ça, reste en de quoi. Moi, je reste fixe, fidèle à la culture hip-hop. Aïe, je mène ma troupe, soldat, lève les bras. La guerre n'est pas finie, color à bord, ne dort pas. Ne dort pas, color à bord, ne dort pas. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Pas qu'une histoire à voir, toute une histoire pouvoir. Je veux y croire, envisageant d'autres choses, d'autres poses, d'autres proses. Mon esprit fait place à mes rêves, introduisant mes fèves, élaborant mes trêves nouvelles. Seront mes nuances, je m'inspire de mes trans. Explorant mes tendances, je vais faire ma chance pour donner un sens à une vie pleine d'espérance. Voler nos propres ailes et nos solutions, faisant confiance aux palpitations de nos rimes. Concernés par la créativité, nous regardons dans la même direction. Tous voués au même quotidien, au même bien, au même destin. La fin sanctifie les moyens. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Ayant ma passion, la fiction, des dictions, ma mission de détourner toutes sessions à mon intention. Encore plus chaud qu'un volcan en pleine éruption, prêt à faire éruption à coup de pression. Négligeons la raison, cherchons et fâchons les fâchons. Je détiens la clé unique, pratique, juste un déclic. Comme l'éclair clair qui t'éclaire. Les soldats partent en guerre, ils sont emportés par la rage. La guerre nourrit la guerre, l'histoire se renouvelle sans cesse. Entre femmes, enfants dehors, c'est les âmes qui menacent. Les pavés crament, emportés par la famille. Mais oui, c'est comme ça, l'original phénoménal du raga ne plaisante pas. Voilà le hip-hop qui s'y mêle au raga. Et oui, c'est comme ça, moi et mon possible dans la partie nom a toujours écart. Land of mercy, c'est car l'envoyé de Dieu devant toi ne veut pas s'arrêter. Dominant, dominé devant la vérité, tu ne peux qu'avancer et ne pas reculer sur le but carré. Watch out. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop. Voici l'original phénoménal du raga hip-hop. J'en rappe pour tous mes soldats qui apprécient le hip-hop.